إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أحبتي في الله، أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. الحديث: أتريدون أن أخبركم بما يميز بين الفريقين؟ قالوا: بلى. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، أي من يؤمن الناس الخير من جهتي ويأمنون الشر من جهتي، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي وشركم لا يؤمن الناس حصول الخير لهم من جهته ولا يأمنون من شره، وإنما يرجى خير من عرف بفعل الخير واشتهر به، ومن غرب خيره أمنت القلوب من شره، ومات قوي الإيمان في قلب عبد رجي خيره وأمن شره، ومتى ضعف قل خيره وغلب شره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث علامتين: الأولى لخير الناس، والثانية لشرهم. في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، هذه علامة الخيرية في الإنسان، أن يؤمن جلساءه وأصحابه وجيرانه ورفقاءه منه الخير ويرجونه من جهته، وأيضا يأمنون الشر من جهته. وقد صح في الحديث عن صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، رواه الترمذي، أي يأمنونه ولا يخافون منه شرا لما عهدوا عليه من صلاح ولما رأوا فيه من استقامة ومحافظة وبعد عن الشر والفساد. فمن كان بهذه الصفة فهو من خيار الناس، فهو من خيار الناس. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي أن الناس لا يتوقعون من جهته خيرا ولا ينتظرون من مثله نفعا، لأنه لا يعرف بعمل الخير ولا يعرف ببذل الخير وتقديمه، وأيضا في الوقت نفسه يعرف بالشر والأذى والعدوان. وفيه هذا دليل على أنه لا أقل من الإمساك عن الشر إن لم يحصل من المسلم فعل الخير لإخوانه المسلمين وتقديم المساعدة لهم، ومن منع نفسه عن إيذاء الآخرين فقد تصدق على نفسه، فقد تصدق في الحقيقة على نفسه. وأعيد الكلمة وهذه الجملة القيمة: من منع نفسه عن إيذاء الآخرين فقد تصدق على نفسه، لأن إيذاء الآخرين تضييق على النفس، فإذا كف نفسه عن إيذاء الآخرين وسع على نفسه ورحمها بأن كفها عن إيذاء الآخرين، فأعفاها من تبعة الأذى وعواقبه. ولهذا كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطير بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره ولا يعتق محرره. ومثل هذا في المعنى حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن من الناس مفاتح للخير مغالق للشر، وإن من الناس مفاتح للشر مغالق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتح الشر على يديه. رواه ابن ماجه. فقال العلماء في شرح هذا الحديث، قالوا: فالناس على قسمين، قسم صاحب الخير يفتح الخير على نفسه وعلى الناس، والقسم الثاني صاحب الشر يفتح الشر على نفسه وعلى الناس فمن كان قلبه منطويا على محبة الخير وعلى حب شيوعه وانتشاره، فإنه لا يفتح على نفسه وعلى الآخرين إلا خيرا، بخلاف الذي ينطوي قلبه على الشر فهو صاحب معروف على ناس وإحسان إليه، فإنه يوم القيامة يكون كذلك. والمراد بكونه أهل المعروف في الآخرة أي بالشفاعة، فيكون أهلا للشفاعة لهم عند الله عز وجل. فكما كانوا في الدنيا أهل معروف لهم بالرحمة والعطف والمساواة والمواساة والإحسان وبذل الخير، فإنهم يكونون كذلك أهل معروف إلى الناس في الآخرة بالشفاعة لهم عند الله عز وجل، بخلاف والعياذ بالله من كان مؤذيا للناس في الدنيا حيث يؤذيهم بأفعاله وأقواله، فمن كانت هذه حاله مع الناس في الدنيا لا يكف أذاه عنهم، لا يكون أهلا يوم القيامة لأن يكون شفيعا لهم عند الله عز وجل، لأنهم لم يسلموا من شره وأذاه في الدنيا. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لأن الناس لم يسلموا من آذاهم في الدنيا، فكيف يكونون يوم القيامة شفعاء لهم عند الله؟ لم يرحموهم في الدنيا ولم يعطفوا عليهم، بل أذوهم بالقول والفعل، فهم ليسوا أهلا يوم القيامة لأن يكونوا شفعاء لهم عند الله عز وجل. فأهل المعروف في الدنيا ببذل الإحسان والجاه والمعونة والمساعدة والعطف والرحمة والدعاء للناس بالخير هم أهل المعروف في الآخرة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. أي فيبعث كل على ما كان عليه من حال في الدنيا، إن مات على خير وبر ومعروف فإنه يبعث على ذلك، وإن مات على منكر وشر وفساد وإذاء فإنه يبعث على ذلك. ففيه ترغيب وترهيب، وترغيب في المعروف والإحسان، والجد في تحصيله وصنائع المعروف إلى الناس ورحمتهم والعطف عليهم، وترهيب من المنكر بجميع أنواعه، وأن يحذر منه المرء لأنه سيبعث يوم القيامة على ما مات عليه. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. عباد الله، Il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans la compilation de hadith dans les Sunan de l'imam Tirmidhi, un hadith jugé authentique par de nombreux spécialistes en la matière, un récit que nous rapporte le compagnon Abu Hurayra, où un jour il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana waqifan ala nasin julus. Le prophète se trouvait auprès de compagnons, de gens qui eux étaient assis alors que lui était debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à eux en leur disant: ne vais-je pas vous informer du meilleur d'entre vous par rapport au plus mauvais d'entre vous? Fasakatu. Alors les compagnons ont gardé le silence et n'ont pas répondu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la bénédiction soient sur lui, a répété et réitéré cela à 3 reprises. Il a répété cela jusqu'à ce qu'un homme dit: Bala ya Rasulallah, oh bien sûr, au messager d'Allah, informe-nous. Comment connaître le meilleur d'entre nous par rapport au plus mauvais d'entre nous? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: le meilleur d'entre vous, c'est celui dont on espère le bien et dont on est à l'abri de son mal. Et le plus mauvais d'entre vous, c'est celui dont on espère aucun bien et dont on n'est point à l'abri de son mal. Et ça, c'est un hadith immense. Pour celui qui veut être un bon croyant, une bonne personne, pourquoi? Parce que dans ce récit, et les savants se sont hâtés justement à commenter ce hadith et à propager ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Parce que le prophète ici nous apprend la distinction, la différence qu'il y a entre le bon individu et le mauvais individu. L'individu mauvais, corrompu, qui a un mal en lui et qui est cause et source de mal pour les autres. Le bon individu, c'est celui dont on espère le bien. Les savants, ils ont dit dont on espère le bien dans le sens, on s'attend toujours de lui le bien. Tandis que le mauvais individu, on n'attend pas le bien de lui. On n'espère rien de lui de bien. Au contraire, on n'est pas à l'abri de son mal. Tandis que le bon individu, les gens, tellement les savants dans l'explication disent, il est connu pour sa piété, il est connu, mashallah, pour son savoir, il est connu pour sa dévotion, pour sa fervence envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne n'espère que de lui le bien. Ils savent que ils n'ont pas à attendre quelque chose de mal de sa part. De lui provient que du bien. Que ce soit l'entraide, que ce soit un savoir, que ce soit un bien, que ce soit une sadaqa. Ils n'attendent de lui que du bien et s'attendent de lui que du bien. C'est ça l'espoir qu'il y a en cette personne. Et en aucun cas, ils craignent son mal. Ils savent qu'ils sont à l'abri, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son mal. Tandis que le mauvais individu, vous n'êtes pas à l'abri de son mal. Et vous attendez rien de lui. Vous attendez rien de lui de bien. C'est comme cela. C'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a des gens que Allah jalla wa ala a fait d'eux des clés du bien et des portes, des fermetures contre le mal. Et il y en a d'autres qui sont des clés du mal. Provient tout mal d'eux, c'est des clés du mal. فَطُوبَ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْخِيرِ عَلَى يَدَيْهِ. Et heureux soit celui dont Allah Azza wa Jal a donné les clés du bien entre ses mains. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ. Et malheur à celui qui a les clés du mal entre ses mains. C'est pour cela, parmi les histoires, pour pas être trop long, en réalité l'explication du hadith est très pertinente et je vous réfère à vous approfondir dans l'explication de ce récit pour justement faire partie de cette catégorie de gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les meilleurs. Et nous, on a besoin de savoir ça, le musulman il a besoin de savoir être le meilleur homme, un bon homme ou un mauvais individu. Et chacun d'entre nous veut être une bonne personne. Pour être une bonne personne, il y a des signes. Et là les savants disent regardez le signe, observe, fais ton autocritique, regarde les signes, si tu as les bons signes. Est-ce que les gens attendent de toi le bien et sont à l'abri de ton mal? Ou bien à l'inverse, ils n'ont pas l'espoir en bien à travers toi et ils ne sont pas à l'abri de ton mal? Vous savez, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui avaient fait l'émigration à Médine étaient tristes. À un moment donné. Pourquoi ? Ils avaient quitté leur patrie, mais ce n'était pas pour ça. Ils avaient émigré et tout laissé. Mais pourquoi ils étaient tristes ? Parce qu'ils ont vu les auxiliaires Al-Ansar, ils ont vu qu'ils les ont accueillis, ils leur ont tout donné. Ils ont partagé leur maison avec eux. Ils ont partagé leurs biens. Ils ont fait ce pacte de fraternité. Alors, Al-Muhajirun, à un moment donné, ils étaient tristes, ils ont dit, eux, ils vont prendre toute la récompense. Eux, ils ont un mérite par rapport à nous. Nous, on est venus sans bien, ils nous ont accueillis, ils ont partagé leurs biens avec nous, ils nous ont accueillis, ils nous ont tout donné. Et eux, leur tristesse n'était pas le fait qu'ils avaient quitté leur patrie, leur tristesse était le fait que ils ont dit, eux, ils vont nous précéder et être meilleurs que nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils ont dit, alors nous, on ne peut pas faire ça. Regardez ce que le prophète Sassem leur a dit. Parce que le prophète Sassem, ensuite, c'est là qu'il va renseigner, j'ai pas le temps de vous lire le texte en arabe, j'ai les récits, mais on n'a pas le temps malheureusement. Pour résumer, le prophète Sassem leur a dit, est-ce que vous invoquez pour eux ? Parce que le prophète leur a appris que lorsqu'on nous fait un bien, il faut rendre un bien. Pour justement avoir le mérite aussi, comme celui qui fait le bien. Alors ils ont dit, est-ce que vous avez invoqué pour eux et fait l'éloge d'eux ? De sorte que ça c'est un sadaqa. On arrive au mérite. Si on reçoit un bien, le prophète nous enseigne que celui qui nous a fait du ma'ruf, du bien, alors ça on ne peut pas lui rendre un bien équivalent. Par exemple, c'est des biens en valeur, en matériel. On ne peut pas lui rendre, le prophète nous dit d'invoquer pour lui ou bien de faire l'éloge. Subhanallah, Wallah al-Azim, lorsqu'on lit ça, combien de gens, Darasu'in del-Mashaykh, ils ont appris chez des savants. Les savants leur ont fait du bien, la moindre divergence, ils ont rogné leur shaykh. Combien de gens, ils avaient des parents qui leur ont fait du bien toute leur vie, jusqu'à ce qu'ils puissent grandir et avoir un bon travail, une bonne situation. Ils ont rogné le bien de leur père et mère pour une faute de son parent. Combien de gens, ils avaient un voisin, un bon voisin, qui leur a fait que du bien. Un jour, le voisin, il a fauté. Ça arrive en faute. Le voisin, il a fauté, alors ils sont pris de rancune et de rancœur, et ensuite, évitent le voisin et lui rendent du mal. Et on peut citer et citer encore, alors que le croyant ne fait que du bien. Je vous termine une très belle histoire, très rapidement, et on se quitte sur cela. Un jour, le prophète, il a rapporté, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait un servant qui était à son service. Alors, le prophète, sallallahu alayhi s'adressait à son servant. Je vous donne un exemple de bonté, de bienfaisance, comment doit être le croyant. Avoir de la compassion pour les autres. Penser aux autres. Regardez le messager d'Allah. Il a un servant qui a son service. Alors, un jour, le prophète, sallallahu alayhi s'adresse à lui et lui dit, es-tu marié ? Il lui dit, non. D'ailleurs, je ne veux pas me marier. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas les moyens de m'occuper d'une femme. Et lui dit, et en plus, je ne veux pas être préoccupé du fait d'être à ton service. Il voulait rester au service du prophète, il ne veut pas être préoccupé du service du prophète. Et donc, il dit au prophète, et en plus, je n'ai pas les moyens de m'occuper d'une femme. Alors, il dit, cet homme-là dit, le prophète, ensuite, s'est écarté de lui. S'est écarté. كما قال وهذه قصة ربيعة ابن كعب الأسلمي قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة ألا تتزوج قال فقلت والله لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء فأعرض عني ثم قال لي بعد ذلك يا ربيعة ألم تتزوج Alors le prophète s'est écarté de lui. S'est détourné en quelque sorte de lui. Et ensuite, le prophète lui a réitéré la question. « Ya Rabi'a, il s'appelait Rabi'a, n'es-tu pas marié ?» Et son servant lui dit la même chose. « Non, messager d'Allah, qultu, la wallahi ya Rasulallah, ma uridu an atazawwaj. » Je ne veux pas me marier, et en plus, je ne veux pas être préoccupé du fait d'être à ton service, et je n'ai pas les moyens de m'occuper d'une femme. Alors il dit, « Fa'arada anni an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. » Le prophète s'est écarté, s'est détourné de lui. Ensuite, Rajul qala, thumma raja'tu nafsi, faqultu wallahi ya Rasulallah. Il dit, ensuite j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, s'il me redemande le messager d'Allah, il me repose la question, je lui dirai ce qu'il veut entendre, je lui dirai oui. Enfin, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a réitéré, qala, thumma raja'tu nafsi, faqultu wallahi ya Rasulallah, أنت أعلم بما يصرحني في الدنيا والآخرة. قال وأنا أقول في نفسي لئن قال للثالثة لأقولن نعم. قال فقال للثالثة يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت بلى يا رسول الله مرني بما شئت وبما أحببت. Alors la troisième fois lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit n'es-tu pas marié, il lui a dit ô messager d'Allah, dis-moi ce qu'il faut que je fasse et je ferai. Ordonne-moi, je ferai. Regardez, le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit je ferai ce que tu veux. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit انطلق الى آل فلان الى حي من الأنصار. Il lui a dit tu vas aller dans tel endroit. C'est un lieu, un quartier où vivent Al-Ansar, les auxiliaires, à Médine. Il lui dit, tu vas vers eux. Il lui a dit, Fihim tarahi an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, faqul lahum, inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuqri'ukum assalam, wa ya'murukum an tuzawiju rabi'ata fulana, imra'atan minhum. Il leur a dit, tu vas chez eux et tu leur passes, leur transmets le salam de ma part. Et tu leur dis, le messager d'Allah vous demande de marier telle personne, c'est-à-dire lui. Le messager d'Allah vous demande de me marier avec une femme des vôtres. Qala, fa'ataytuhum. Alors il dit, moi je me suis exécuté, j'ai fait ce que le prophète a dit. J'y suis allé. Qalu, lorsque je suis arrivé, les gens de ce quartier lui ont dit, marhaban bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa bi rasuli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجتي. قال فأكرموني وزوجوني وألطفوني. رواه أحمد والحاكم. Regardez, lorsqu'il est arrivé, il leur a fait la demande. Ils ont dit que soit le bienvenu, le messager du messager d'Allah. Ensuite, il leur a fait la requête. Le messager d'Allah a dit que vous devez, il vous demande de me marier. Ils ont dit bienvenue à toi. Ils lui ont fait hospitalité, ils l'ont marié et ils ont été très gentils avec lui. Regardez comment ils étaient à l'époque. Regardez la source de bien. Les savants disent, celui qui fait du bien ici-bas, il sera source de bien dans l'au-delà. Et ils ont dit que ceux qui sont intercesseurs, qui peuvent intercéder pour autres, regardez la faïda, pour autres, c'est ceux qui faisaient du bien ici-bas. Ceux qui faisaient du mal ici-bas ne seront pas des intercesseurs ni des témoins le jour de la résurrection. Ils ne pourront intercéder pour personne. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم.